Les pluies de la semaine dernière ont provoqué beaucoup de dégâts dans votre région, je crois. Oui, beaucoup de maisons ont été inondées. L'électricité a été coupée, des arbres ont été arrachés, des voitures renversées. Il y a eu des victimes ? Plusieurs personnes ont été blessées, mais les familles ont été rapidement évacuées et le pire a été évité.